آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس هو الدرس 14 في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، واليوم هو 8 من شهر ذي القعدة عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous allons entrer dans la 14e leçon, dans le 14e cours, toujours dans l'étude de ce même livre qui est Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les qualités sublimes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la date d'aujourd'hui est le 14 septembre 2013. La semaine dernière, nous avons parlé de plusieurs choses relatives au train de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est appelé en arabe Aish Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui veut dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme repas et comme nourriture. Et dans les hadiths que nous avons lus la semaine dernière, nous avons vu la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait que sa subsistance et sa nourriture étaient ce qu'on appelle en arabe « qout » ou ce qu'on appelle aussi « kafaf », c'est-à-dire de juste milieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne commettait pas d'excès et il n'était pas non plus avare. En conformité avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-Furqan, le verset est directement traduit qui veut dire: et ceux qui, lorsqu'ils dépensent de leur argent, ne font ni de l'excès et ne sont ni avares, mais ils sont dans le juste milieu. On a vu la difficulté du train de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de certains de ses compagnons. Et le dernier hadith que nous avons lu était assez long. Et dans celui-ci, on a vu que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, à une heure où il n'avait pas l'habitude de sortir, est venu à lui Abu Bakr puis Omar radiyallahu anhuma. Et la raison qui les a poussés ou qui a poussé Omar à sortir à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa faim, jusqu'à la fin du hadith que nous avons traité la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons lire le hadith de Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu est un compagnon noble qui a plein de mérites parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des 10 compagnons à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'annonce de la bonne nouvelle qu'ils entreront au paradis avant même qu'ils ne meurent. Wa min al-asharati al-mubashshirin bil jannah. C'est-à-dire que, alors qu'il marchait sur terre et qu'il était en vie, il savait qu'après la mort, le paradis l'attendait. Allahu Akbar. Donc, une telle personne, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'annonce de l'entrée au paradis après la mort, il est clair et net que cette personne a une place très élevée chez Allah subhanahu wa ta'ala et a beaucoup de mérite. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهرق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة البعير والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي. Et nous allons voir pourquoi Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله عنه nous parle de certains de ses mérites. Certains pourraient penser qu'ici il fait ses propres éloges ou bien il se vante, loin de là. Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله عنه dit il dit je suis le premier homme à avoir fait couler du sang dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier homme à avoir tiré une flèche dans la voie d'Allah. Or il m'arrivait d'être en expédition avec un groupe de compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne mangions alors que des feuilles d'arbres et des gousses d'acacia. Donc l'acacia, c'est un arbre qui produit des gousses, des feuilles qui sont assez sèches, au point que les commissures de nos lèvres devenaient ulcéreuses, c'est-à-dire ils avaient les lèvres gercées, mais nous allons expliquer tout ça après, et que les selles de certains d'entre nous ressemblaient à ce qu'expulse le mouton et le chameau. Elles ressemblaient aux selles du mouton et du chameau. Il dit, et maintenant les Banu Asad, qui est le nom d'une tribu, me font des remontrances sur ma religion. S'ils disaient vrai, ce serait mon malheur, ma perte et la ruine de mes actes. Premièrement, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dit, Inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah. Je suis le premier homme à avoir fait couler du sang dans la voie d'Allah. En effet, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu est le premier des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait couler le sang d'un des ennemis du prophète alayhi wa sallam et des sahaba, c'est-à-dire de manière globale des musulmans, des croyants soumis à Allah. Le premier qui a fait couler le sang d'un ennemi, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Et ici, il rappelle ce mérite qui est noble. Puis il dit, le premier homme à avoir tiré une flèche dans la voie d'Allah, Azza wa Jal. C'est le premier homme qui a lancé une flèche sur un ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il cite deux de ses mérites. Et certains pourraient penser qu'il se vante, alors que cela est interdit. Mais en fait, ici, il ne se vante pas. Et la raison pour laquelle il parle de ces choses qu'il a faites, radiyallahu anhu, C'est parce qu'il défend son honneur. Car certaines personnes ont parlé sur lui en mal. Cela à Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui était alors le gouverneur des croyants. Kana khalifat al-mu'minin, radiyallahu anhu. Wa arsala, radiyallahu anhu, Sa'd ibn Abi Waqqas, ila al-Iraq. Il a envoyé Sa'd ibn Abi Waqqas en Irak, à Koufa en Irak, et il l'a envoyé là-bas pour qu'il soit leur dirigeant sur place, pour qu'il dirige les prières et qu'il veille à leur sécurité, qu'il veille à leurs ordres, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu est allé là-bas et a vécu avec les gens qui y vivaient pour les gouverner et pour diriger leurs prières. Puis, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui était inquiet pour sa umma, pour la communauté des musulmans, a interrogé les gens de cet endroit en leur disant, comment trouvez-vous Sa'd ibn Abi Waqqas? Il a envoyé des gens tourner dans les mosquées et se déplacer d'une mosquée à une autre pour y interroger les fidèles. Et tous les fidèles répondaient la même chose, qu'il était quelqu'un de pieux, qu'il était quelqu'un d'honnête. Donc il faisait ses éloges. Quand un jour, ils sont arrivés à un homme qui a dit, et tout ce que l'on dit c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Donc ils ont été voir un homme et celui-ci a dit, puisque vous me demandez, je vais vous répondre. Et il a commencé à dire, innahu la yahkumu baynana bisawiyya. Il ne juge pas entre nous avec équité. Wala ya'dilu bil qist. Il n'est pas juste envers nous. Wala yahsinu salat. Et il ne sait pas accomplir la prière convenablement. Alors, cette rumeur est arrivée aux oreilles de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, quand il a entendu qu'on a osé dire de lui, et les gens qui ont dit de lui cette parole sont les gens de la tribu de Banu Asad, on a osé dire de lui qu'il ne sait pas faire la prière convenablement, il s'est énervé. Et il a dit, c'est comme si qu'il disait, moi, je ne sais pas prier, je suis le premier homme à avoir fait couler du sang, je suis le premier homme à avoir lancé une flèche, je suis l'homme qui a fait, et aujourd'hui, Banu Asad vient me critiquer et dire que je ne sais pas prier. Wallahi, s'ils ont raison, je suis vraiment égaré et j'ai vraiment perdu. C'est la raison ici de cette parole. Il dit, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, or, il m'arrivait d'être en expédition, ce qu'on appelle en arabe razwa. Razwa, c'est l'expédition militaire qui est faite en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui est faite sans sa compagnie s'appelle en arabe sariya. Donc quand il nous dit razwa, donc on comprend que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam était avec lui. Or, il m'arrivait d'être en expédition avec un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne mangions alors que des feuilles d'arbres et des gousses d'acacia, ce qu'on appelle en arabe hubla, qui est le nom d'un arbre qui produit des feuilles qui sont sèches. Et il dit hatta taqarrahat ashdaquna wa shiqu huwa taraf al-fam. Il dit que à cause du fait qu'il mangeait les feuilles d'arbres parce qu'il ne trouvait rien d'autre à manger quand il partait combattre avec le prophète alayhi salam et les sahaba radiyallahu anhum, les lèvres des compagnons se déchiraient. C'est-à-dire, après tout ce que j'ai fait, vous pensez que j'ai fait tout ça et que je ne sais pas prier correctement? Vous avez compris pourquoi il dit ça? Il dit, et nous ne mangions alors que des feuilles d'arbres et des gousses d'acacia, au point que les commissures de nos lèvres devenaient ulcéreuses et que les selles de certains d'entre nous ressemblaient à ce qu'expulse le mouton et le chameau. C'est-à-dire que quand ils allaient accomplir leurs besoins et qu'ils expulsaient leurs excréments et leurs selles, leurs excréments étaient semblables à celui du chameau et du mouton. Et en sachant que, pour ceux qui ont pu déjà voir, les selles, les excréments des chameaux et des moutons sont des selles qui sont très sèches. Les sahaba radiyallahu anhum, quand ils partaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le combat pour Allah azza wa jal, ne trouvaient rien d'autre à manger que ces feuilles d'arbres qui provoquaient l'expulsion des selles semblables à celles du chameau et du mouton. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit ici? La difficulté du train de vie les sahaba, radiyallahu anhum. Et, par conséquent, celle du prophète, alayhi salatu wassalam, car nous avons dit que le razwa, c'est le nom qui est donné à l'expédition militaire faite en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, wa asbahat banu asad, yu'azzirunani fi d-din, yu'azzirunani, yani ya'ibuna alayya, fi d-din, ay fi s-salah, yaqulun, إنني لا أحسن الصلاة أنا قمت بالجهاد وكنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكنت في شدة الجوع والعطش وعشت معهم وأصبح هؤلاء يعيبون علي ويقولون بأنني لا أحسن الصلاة. Donc il dit, et maintenant les Banu Asad me font des remontrances sur ma religion, c'est-à-dire ils me font des critiques ou ils me font des reproches sur ma religion, ils me blâment, ils osent dire que je ne sais pas prier correctement, c'est-à-dire, eux, ils vont m'apprendre la religion, alors que moi, j'étais avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai combattu avec lui, j'avais la faim et la soif que lui-même a eu, j'ai partagé tous ces moments avec lui, et vous croyez que dans tout ça, je n'ai pas su apprendre la prière avec lui? Eux vont apprendre ma religion alors qu'ils n'étaient pas avec nous pendant ces moments difficiles. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il défend son honneur. Et le musulman, il défend son honneur. Quand on dit de lui des choses qui sont fausses, il se défend. Et vous retrouvez cela dans le tafsir de Surat Yusuf. Dans le tafsir de Surat Yusuf de l'Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, il dit que les prophètes se défendaient quand on touchait à leur honneur. Et à qawmi laysa bi safaha. On disait qu'il était safi. On disait de l'un d'entre eux des prophètes qu'il était faible d'esprit. Il répondait, laysa bi safaha. Oh mon peuple, je ne suis pas faible d'esprit. On disait d'eux qu'ils avaient le djounoun. Ils disaient, dans le sens de leurs paroles, ô mon peuple, je ne suis pas fou, je n'ai pas la folie. On disait, et eux, ils repoussaient toutes les choses que on proférait à leur encontre, à leur égard, radiyallahu, sallallahu alayhim, wa sallam, l'anbiya, qu'Allah prie et les salue. Donc, ici, c'est ce que fait Sa'd ibn Abi Waqqas. Et il dit, moi, avec tout ce que j'ai fait, vous osez venir m'apprendre ma religion. Donc il s'est défendu. Et ici, quand il dit ad-din, la religion, il veut par ce mot la salat. Tout comme à travers le mot iman, qui est à la base un mot global, qui englobe tout acte, parole ou croyance du cœur, des fois il est employé, ahyana, kalimat iman, tusta'malu, fi salat. Des fois, il est employé pour la prière ou pour un acte. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Baqarah, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah ne laissera pas perdre votre foi. Revenez au tafsir du verset dans Sourate Al-Baqarah. En fait, ici, Allah fait référence à la prière. أي وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ. Allah ne laissera pas perdre votre prière. Dans quoi? Car auparavant, il priait en direction de l'Aqsa, et non pas en direction de la Kaaba. Puis quand Allah tabaraka wa ta'ala a changé la Qibla en direction de la Kaaba, ils se sont inquiétés. Et Allah azza wa jalla leur a dit, Allah ne laissera pas gâcher votre foi. Et il a appelé la prière foi. Tout comme on peut appeler la prière din, religion. Donc ici, quand Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dit, et maintenant, les Banu Asad me font des remontrances sur ma religion, c'est-à-dire sur ma prière. Parce que la prière, c'est une religion. Fait partie de la religion. Bel, al-salat, amoud din. La prière, c'est le pilier essentiel de la religion. Le squelette de la religion, comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, laqad khibtu wa khasirtu idhan wa dhalla amali. En idha kana kama taquloun, فأنا تعبت بلا فائدة جاهدت في سبيل الله بدون فائدة وكنت مع النبي عليه الصلاة والسلام بلا فائدة إذا كنت لا أحسن الصلاة. Il dit, ce sera mon malheur, ma perte et la ruine de mes actes. C'est-à-dire, si ce que Banu Asad disent à mon sujet est véridique, réel, que je ne sais pas prier correctement et que je suis injuste envers les gens, après avoir fait tout ce que je viens de vous raconter, alors mes actes ne servent à rien du tout. Tout ce que je vous ai raconté, c'est inutile. Et ce qui n'est pas le cas, bien sûr. L'imam Tirmidhi, rahimahullah, a cité cette parole de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, avec laquelle il défend son honneur et il répond aux mauvaises accusations qui sont faites à son encontre. Dans ce chapitre, Bab Aïsh al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, chapitre Le train de vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer la difficulté de leur vie, car eux vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant est composé de deux parties. Une partie jugée faible par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, et la deuxième jugée authentique. Al-hadith al-thani fihi qisman, qismun dha'afahu al-allamatu Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani rahimahullah محدث هذا العصر والقسم الثاني صححه. Donc la première partie a été jugée faible et la deuxième a été jugée authentique. والقسم الثاني يبدا من قوله لقد رايتني واني لسابع سبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. La deuxième partie, qui est jugée authentique par l'imam al-Albani, commence à partir de la parole Utbah ibn Ghazwan dit, alors que je fus le septième à suivre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons lire la deuxième partie. Nous allons lire la deuxième partie qui a été jugée. Nous allons lire tout, inshallah, et commenter la deuxième partie. Donc, dans la première partie qui est jugée faible par l'imam al-Albani, rahimahullah, قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد. المربد مكان موضع بالبصرة في العراق. وجدوا هذا الكذان. الكذان هو شجر. فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير، أي مقابل الجسر الصغير، فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. Donc la première partie qui est jugée faite par l'imam al-Albani رحمه الله, il est dit dans celle-ci que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a envoyé en mission Utba ibn Ghazwan, un compagnon qu'Allah l'agrée, et il lui a dit cheminez, c'est-à-dire marchez dans ce chemin, toi et ceux qui sont avec toi, jusqu'à ce que vous atteigniez l'extrémité de la terre des Arabes et la région la plus proche du pays non arabe. C'est-à-dire qu'il a envoyé une équipe et il leur a dit de marcher jusqu'à la limite des pays arabes, la fin des pays arabes, entre ce qu'il y a entre la fin des pays arabes et le début des pays non arabes. Ce qu'ils ont fait, ils se mirent donc en route jusqu'à ce qu'ils parvinrent à Al-Mirbat. Al-Mirbat, c'est un nom, c'est un endroit, Al-Basra en Irak, qu'on appelle Basra en français, où ils remarquèrent comme de la roche tendre et blanche. Ils se dirent alors, qu'est-ce donc que cela? Al-Basra, dirent certains. Al-Basra, les frères, ce nom qui a été donné à la ville qui est en Irak, à la base, en vérité, Al-Basra, c'est le nom d'une pierre. À la base, Al-Basra, c'est le nom d'une pierre. D'accord? Et on a appelé cette ville d'Irak Al-Basra, car les premiers qui sont arrivés là-bas et qui ont fondé cette ville sur place ont donné le nom de cette ville à cette pierre qui se trouvait à cet endroit-là. Donc, à la base, le mot Basra, c'est le nom d'une pierre en arabe qui s'effrite et qui se détruit facilement. Ici, on dit de la roche gypseuse. Allahu alam, je ne connais pas ça en français. Puis, ils poursuivirent leur chemin jusqu'à proximité du petit pont. Donc, ils ont continué jusqu'à arriver à la limite. Voilà le lieu qui vous a été stipulé, affirmèrent-ils. Et ils descendirent alors. Et ensuite, le hadith a une suite qui est assez longue. Et le rapporteur, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, s'est arrêté ici, puis est passé à la deuxième partie, qui elle est jugée authentique par l'imam al-Albani, rahimahullah. Dans celle-ci, Utba nous dit, لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. Donc il dit donc là il va parler d'une chose dont il se souvient. Il dit: alors que je fus le septième à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il va parler d'un moment où ils étaient sept. Parmi ces sept, il y a lui-même, Utba ibn Ghazwan, avant lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cinq autres compagnons. Il dit, ou bien ils étaient sept compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça fera donc huit. Wallahu a'lam. À la kulli hal, quoi qu'il en soit, il se souvient de ce moment-là. Et il dit, il arrivait que nous n'avions à manger que des feuilles d'arbres, au point que les commissures de nos lèvres, les commissures c'est les bouts des lèvres, sur la gauche et la droite, devenaient ulcéreuses. Il m'arrivait aussi de trouver une burda. Burda, c'est le vêtement en arabe dont on avait parlé dans le chapitre précédent, que je décidais de, wallahi, Allahu a'lam, j'ai un doute sur le burda ici. Est-ce que c'est voulu, est-ce qui est voulu par est-ce que ce qui est voulu par ce mot, c'est le vêtement, ou c'est autre chose? Allahu a'lam. Que je décidais de partager en deux avec Sa'd. Aujourd'hui, et entre parenthèses, on a que c'est Sa'd ibn Abi Waqqas, et ce n'est pas Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, c'est Sa'd ibn Malik, un autre compagnon, comme cela a été cité dans une version authentique. Donc ce n'est pas Sa'd ibn Abi Waqqas. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul d'entre nous sept qui ne soit gouverneur d'une province. Plus tard, vous pourrez voir comment agiront les autres gouverneurs. Donc il dit qu'ils étaient sept, et que ces sept personnes vivaient une vie tellement difficile qu'ils en mangeaient les feuilles des arbres, et que le peu qu'ils trouvaient, ils le partageaient. Donc ils n'avaient presque rien. Donc ici, on nous parle du train de vie des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point où ils n'avaient que des feuilles d'arbres à manger. Et ici, il ne faut pas qu'on lise ça comme si qu'on lisait le journal ou une histoire. Ici, nous sommes en train de parler de faits réels, de choses qui se sont déroulées réellement. Il y avait des hommes auparavant, ceux à qui on s'apparente et qu'on dit suivre et qu'on dit aimer, qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui passaient des moments dans lesquels ils rencontraient des situations d'une difficulté telle qu'ils en mangeaient les feuilles des arbres. Ils n'avaient rien à manger. Leur vie était difficile. Parfois, ils mangeaient les feuilles des arbres en route vers le combat. Ils étaient en route pour risquer leur vie en risquant leur vie, puisqu'ils n'avaient rien à manger. Tout ça pourquoi? Pour que l'islam se propage et pour que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit apparente dans la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah les a agréés et a dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah les a agréés et eux-mêmes l'ont agréé. Donc les sahaba radiyallahu anhum, il y a des chapitres dans les livres de aqida, dans les livres de dogmes, de croyances islamiques qui sont consacrés à la foi du musulman, le dogme et la croyance du musulman vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà la vie qu'ils avaient, mais regardez comment Allah les a récompensés, et regardez ce qu'il dit. Il dit qu'à la fin, tous parmi ces sept personnages qui étaient présents à vivre cette vie difficile sont devenus des gouverneurs de pays. Regardez, au début ils étaient pauvres, ils ont enduré, patienté, souffert, subi, été maltraité, méprisé. Ils ont patienté, ils sont restés fermes. Allah tabaraka wa ta'ala a mis le pouvoir dans leurs mains, alors qu'eux étaient les gens qui le fuyaient le plus. Ils n'en voulaient pas du pouvoir. Ils ne voulaient pas de la dunya. Mais la dunya a couru derrière eux. Et cela nous montre la véracité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous dit « Man kana awwalu hammihi al-akhirah » celui qui a pour préoccupation première l'au-delà, c'est-à-dire que dans tout ce qu'il fait, il se base à l'au-delà. Comment Allah va me voir si je fais? Comment Allah va me voir si je dis? Et si je ne fais pas, qu'est-ce qu'Allah va penser de moi? Et où vais-je aller si je fais cette action? Au paradis ou en enfer? Celui qui a pour préoccupation première l'au-delà, jama'a Allahu shamla. Allah va ordonner tout ce qu'il va entreprendre. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire et entreprendre deviendra pour lui très simple et très facile et d'une organisation exemplaire. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَةٌ. Et il mettra la richesse dans son cœur, et ce bas monde lui viendra derrière lui en courant. Il dit وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّ. Et celui qui a pour préoccupation première ce bas monde, فَرَّقَ اللَّهُ شَمْلَهُ. Allah désordonnera tout ce qu'il entreprendra. Il trouvera des difficultés partout. Il trouvera des problèmes partout. Et dès qu'il voudra entreprendre quelque chose, ça sera un chemin semé d'embûches. Pourquoi ? Car la première préoccupation qu'il avait, c'est ce bas monde qui n'a aucune valeur. Il dit فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. Et il placera sa pauvreté devant ses yeux. Il ne verra que la pauvreté, que les soucis devant ses yeux. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Et ne lui viendra de ce bas monde que ce qui lui a été décrété. Ce bas monde sera sa première intention, sa plus grande préoccupation. En découlera de ça des soucis, des problèmes auxquels il ne trouvera pas les solutions. Et en plus de ça, il va courir derrière ce bas monde et il n'aura que la petite part qu'Allah décidera de lui donner, il n'aura pas plus. Même s'il est riche, fort, intelligent et qu'il donne tous les moyens, il n'aura que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala voudra lui donner. Donc à quoi bon être le serviteur de la dunya? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abu Huraira, rapporté par l'imam al-Bukhari, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa. Il dit que périsse le serviteur du dinar, que périsse le serviteur du dirham, c'est-à-dire le serviteur de l'argent, le serviteur de ce bas monde. La yubali, il ne cherche pas à savoir d'où vient son argent, où est-ce qu'il l'a gagné, d'où, comment il va le dépenser. Il ne cherche pas. C'est un serviteur de ce bas monde. Il dit in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Quand on lui donne, quand Allah lui donne de ce bas monde, il est satisfait. Et quand Allah lui prive et ne lui donne pas, il se met en colère. Ta'isa wa intakas. Intakasa et saqata ala ra'si. Il dit qu'il périsse et qu'il tombe la tête la première sur le sol. Il dit wa idha shika falan taqash. Wa idha ja'athu ash-shawka fi qadamihi fa asallaha la yuzilaha. يعني الدعاء إذا أصابته مصيبة أسأل الله لا يزيلها النبي يدعو عليه. Donc il dit qu'il périsse et qu'il tombe la tête la première, et que si il est piqué par une épine, qu'elle ne sorte jamais de son pied. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Si un problème l'atteint, c'est le prophète Al-Sassam qui dit ça, si un problème l'atteint, ce serviteur de ce bas monde, qu'il périsse avec son problème et que son problème ne se sépare jamais de lui. C'est-à-dire, tant qu'il ne devient pas le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a commenté ce hadith en disant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué Allah dans ce hadith contre toute personne qui sera servante de ce bas monde et non servante d'Allah, azza wa jal, et Allah exaucera l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont fui ce bas monde. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a fait d'eux les gouverneurs de la dunya, les rois de la dunya. Ils n'en voulaient pas, et la dunya a couru derrière eux. Il dit, wa satujarribuna al-umara'a ba'dana. Et vous verrez quel gouverneur vous allez avoir après nous. C'est-à-dire nous qui sommes justes, nous qui sommes bons, nous qui sommes bienfaisants envers vous. Et Allah nous ta'ala. Pas besoin de commentaire. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريهي إبط بلال. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai été inquiété dans la voie d'Allah pendant que personne ne l'était, et subi des torts pendant que personne n'en subissait. De quoi il parle ici? Il fait sadr l'islam fi bidayat al-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début du prêche des musulmans, dans les débuts de l'islam, quand ils appelaient pour la première fois les gens à Allah. Arrêtez-vous un instant et imaginez-vous un peu le début de la da'wa, le début du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous une contrée qui est Mecca, habitée par des personnes polythéistes qui adorent plusieurs statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui basent leur façon de penser, leurs habitudes, leurs coutumes, leur économie, leur façon de vivre sur le shirk billah, l'association à Allah. Un peuple noyé dans les péchés, noyé dans la désobéissance, à un point où ils commettaient des actes tels que ils enterraient les filles vivantes, ils consommaient les boissons enivrantes, ils s'entretuaient les uns les autres, ils étaient totalement perdus. Ils étaient totalement perdus. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de choisir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour en faire un ambassadeur de la religion de l'islam, quelqu'un qui va appeler Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive seul. Il arrive seul, il est dans la grotte, et Jibril alayhi salam vient, l'attrape et lui dit Iqra, récite, lis. Il dit Ma ana biqari, et Jibril répète cette même parole 3 fois de suite, et à la dernière il l'attrape et le serre tellement fort que le prophète alayhi salam a pensé mourir, puis il l'a relâché. Il est parti voir sa femme Khadija radiyallahu anha. Ensuite il est sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, Khadija l'a amené vers quelqu'un de sa famille, Waraqat ibn Nawfal, qui était alors qui faisait partie des gens du livre, et ils sont partis voir Waraqa, et Waraqa a commencé à dire j'aimerais bien être avec toi le jour où ils te chasseront. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit awa mukhrijiyahum qawmi yukhrijunani min qariyati ou min bayti allati nasha'tu fiha, est-ce que mon peuple va me chasser de l'endroit où je suis né, de la Mecque? Et Waraqa lui a dit à chaque fois qu'un homme venait avec ton message, on le chassait de son village, on le chassait de l'endroit où il venait, où il prêchait Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a commencé à appeler Allah tabaraka wa ta'ala, et ensuite il priait sallallahu alayhi wa sallam devant la Kaaba, et on lui lançait le placenta de la chamelle, ce qu'on appelle en arabe salal jazour. Salal jazour hiya al-qit'a allati yakunu dakhilaha janin al-ibil, le placenta, la poche plein de sang, hein, plein d'impureté. Un des Quraysh est venu et a dit qui va chercher le placenta de la chamelle qui a été égorgée la veille, et le lance sur son dos, le dos de Mohammed, pendant qu'il prie. Et ils ont été, qu'Allah les maudisse, ils ont pris le placenta de la chamelle plein de sang et d'impureté pour le lancer dans son dos pendant qu'elle était en train de prier. Et Aïcha radiallahu anha qui vient l'enlever de son dos et qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala contre tous ces gens-là, et Allah azza wa jalla les a tous châtiés. Le prophète alayhi salam a été inquiété dans la voie d'Allah, dans une époque où personne n'était inquiété, il était seul. Il a subi dans une époque où personne ne subissait pour la même raison que lui. Les compagnons pareils. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, quand il est entré dans l'islam, il est monté sur une montagne et il a appelé tous les gens de la Mecque pour leur dire à partir d'aujourd'hui, je suis musulman. Je suis musulman et j'atteste que nul n'a le droit à être adoré à part Allah, et que Mohammed est son messager. Et il s'est battu avec eux du Fajr jusqu'au Shuruq. Radiallahu an, des vingtaines et trentaines de personnes qui lui tapaient dessus pendant 1h30 ou 2h. Les sahaba radiallahu anhum qui sont morts martyrs, comme cette femme à qui on a introduit une flèche dans l'endroit de sa chasteté radiallahu anha, qui fut d'ailleurs la première femme martyre de l'islam, et bien d'autres choses encore. Le prophète alayhi salam dit j'ai été inquiété, c'est-à-dire on a voulu m'inquiéter, j'ai été inquiété dans la voie d'Allah, alors que personne n'était inquiété. J'ai subi dans la voie d'Allah, alors que personne ne subissait. Plus loin il dit, sallallahu alayhi wa sallam, plus loin il dit, J'ai connu 30 jours consécutifs pendant lesquels ni moi ni Bilal n'avions à manger, ce dont se nourrit une créature ayant un foie, sauf une quantité si petite que les selles de Bilal auraient pu cacher. Subhanallah. نستغفر الله ونتوب إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا qu'Allah nous pardonne, qu'Allah pardonne notre ingratitude, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah corrige nos mauvais comportements et l'ingratitude que l'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a connu 30 jours consécutifs pendant lesquels ni lui ni Bilal, radiyallahu an, l'ancien esclave qu'on a libéré et qui est devenu al-mu'adhin, qui faisait l'adhan, pendant 30 jours, il n'avait rien à manger. Qu'un animal qui a un foie pourrait manger. C'est-à-dire, ni un humain, ni un animal, même pas un chien ou un chat, pourra manger. Il dit, sauf une quantité si petite, ils avaient une quantité de nourriture tellement petite, que si Bilal l'a caché en dessous de son aisselle, on ne la voyait pas. Voilà ce qu'il mangeait. Thalathuna yawman la ya'jidu an-nabi alayhi salatu wasalam fiha ma ya'kul. Pendant 30 jours, il ne trouve pas quoi manger. Illa qit'atan saghira min al-lahm aw mimma yu'kal law wada'aha Bilal tahta ibtihi la ghattaha. Si ce n'est une partie de nourriture que si Bilal cachait en dessous de son aisselle, on ne la verrait même pas. Voilà comment était le train de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, les ingrats que nous sommes, on se plaint parce qu'on veut changer de nourriture, on se plaint et on dit mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne trouvait pas un morceau de nourriture pendant 30 jours. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des morceaux, mais ce sont des assiettes, des sacs de nourriture qui sont jetées à la poubelle parce qu'on a marre de manger cette chose et on veut changer de nourriture. Et aujourd'hui, quand la personne est invitée chez quelqu'un, il ne vient pas parce que il doit répondre à l'invitation de son frère, mais il vient parce qu'il sait que ce frère a une épouse qui sait bien cuisiner, donc il vient juste pour manger. Et si celui qui t'invite n'a pas bien cuisiné, il va rentrer chez lui et il va dire ce que j'ai mangé chez lui, ce n'était pas bon. Et c'est pour ça qu'on voit tout ce gâchis dans les mariages des musulmans au jour d'aujourd'hui. Des sacs entiers de fruits, des sacs entiers de viande qui sont jetés à la poubelle. Pourquoi ? Pour plaire à l'autre. Pour montrer à l'autre qu'on a de l'argent, pour montrer à l'autre qu'on a tout ce qu'il faut. Est-ce que c'est comme ça que nous a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si le prophète alayhi salatu wa sallam, ou musulman, était vivant à cette époque, et vous voyez faire ces choses-là, et nous voyez nous et vous faire ces choses-là, pensez-vous qu'il serait satisfait? Pensez-vous qu'il serait content de la façon d'agir des musulmans, alors que lui n'avait pas à manger pendant 30 jours? Sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, حديث في عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله وهو ابن عبد الرحمن شيخ الترمذي رحمه الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, il ne s'est pas trouvé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas trouvé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam de déjeuner ou de dîner où le pain et la viande furent réunis, sauf lorsqu'il y avait de nombreux convives, c'est-à-dire des invités. Abdullah qui va parler ici, c'est le cheikh de l'imam Tirmidhi, rahimahullah, dit, on l'explique par la présence de nombreuses personnes au repas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas pour se rassasier. Il n'avait pas l'habitude de se rassasier comme nous aujourd'hui. Comme nous aujourd'hui avec des ventres comme on connaît. Le prophète ne mangeait pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'avait pas dans ses repas et dans ses plats du pain et de la viande rassemblés, si ce n'est quand il était avec des invités pour leur faire plaisir. C'est tout. Quand il se rassasia, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était que pour satisfaire l'invité. Car quand tu invites quelqu'un, si toi tu ne manges pas, il va être mal à l'aise. Alors pour mettre à l'aise ses invités, il faisait partie de son noble comportement de bien manger pour que eux, justement, puissent manger aussi. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait. Et donc, c'est le dernier hadith de ce chapitre. C'est donc le dernier chapitre, pardon, de ce hadith parmi les hadiths qui sont authentiques. Et avec ce dernier hadith, on achève justement ce chapitre qui est le train de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, en lisant ce hadith-là, et souvenez-vous qu'au début de l'étude de ce livre, on avait dit que ce livre est une éducation pour le musulman. C'est une éducation pour le musulman. Regardez tout ce qu'on apprend. Puis on se compare et on regarde comment nous on est par rapport à ces gens-là. Aina nahnu min ha'oula. Où en sommes-nous par rapport à ces gens-là? Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous corriger. Le chapitre suivant, باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le chapitre suivant concerne la manière de manger du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. Nous venons de voir ce qu'il mangeait. Maintenant nous allons voir comment il mangeait. Et cela dans plusieurs choses. Nous allons voir justement les comportements à adopter pendant la prise du repas. Et nous allons voir comment le prophète, alayhi salam, par exemple, s'asseyait quand il mangeait, sa façon de manger, avec quoi il mangeait, avec ses mains, avec ses doigts, avec des couverts, alayhi salat wa salam, et d'autres choses encore, incha'Allah. Donc voilà pourquoi l'imam Tirmidhi, rahimahullah, a cité ce chapitre, le chapitre concernant la manière de manger du prophète, sallallahu alayhi wa salam. Et nous, les musulmans, nous apprenons tout du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et on ne se lasse pas d'apprendre quoi que ce soit, ne serait-ce que la manière de manger. Nous, les musulmans, on aime savoir, est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, mangeait avec ses mains? S'il mangeait avec ses mains, on veut savoir avec quelle main. Et si on sait avec quelle main, on veut savoir avec quel doigt. Et on veut savoir comment il faisait. Alayhi salatu wassalam. Et on a pour croyance, pour aqida, conviction, qu'en apprenant tout ça, on se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier hadith qui est rapporté par un des enfants de Ka'b ibn Malik, qui rapporte que son père a dit, et c'est la partie qui est faible, jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahullah. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. Le prophète صلى الله عليه وسلم léchait ses doigts trois fois après manger. Cette partie-là, elle a été jugée faible. Et l'autre partie, قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. وهذا صحيح صححه الألباني رحمه الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam suçait ses trois doigts après manger. Et dans ce hadith nous apprenons deux choses. Nous apprenons, d'ailleurs c'est vous qui allez me dire qu'est-ce qu'on retire, quelles sont les deux choses qu'on retire de ce hadith. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'on nous dit? que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après manger, léchait ses trois doigts ou suçait ses trois doigts. Qu'est-ce que tu retires? Premièrement, il y a deux choses. Premièrement, exactement, il mangeait avec ses trois doigts. Ici, on ne nous dit pas quels sont ses doigts avec lesquels il mangeait. Pourquoi? Car c'est clair, c'est le pouce, l'index, c'est l'index, hein? L'index est celui-là, le majeur. Le pouce, l'index et le majeur. Qu'on dit en arabe, al-ibham, wa sabbaha, wa al-wusta. D'accord? Certains disent sabbaha, mais le meilleur terme c'est al-sabbaha. Bon, on n'entre pas dans ce sujet-là. Mais, il y a ces trois doigts avec lesquels manger. Deuxième chose qu'on retire de ce hadith, كان يلعقها qu'il léchait ses doigts sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux choses là font partie jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que l'heure arrivera inshallah du comportement du musulman quand il mange. Il lèche ses doigts et il mange avec ses doigts quand il peut. Certains savants ont dit manger avec ses trois doigts quand le repas qui est mangé est un repas qui on va dire solide. Là, on peut manger avec les trois doigts. Par contre, si c'est un repas comme, par exemple, un plat en sauce ou autre chose, alors il n'y a pas de mal à le manger avec autre chose. Ou si c'est un repas quand on mange avec les trois doigts, on n'arrive pas bien, on peut manger avec plus. Mais à la base, c'est avec les trois doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait. Et cela fait partie, wa hadha min mustahabbat adab al-ta'am 'inda jumhur al-'ulama kama dhakara dhalika al-shaykh 'Abd al-Razzaq ibn 'Abd al-Muhsin al-'Abbad hafidhahum Allah. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah a dit que cette façon de manger avec les trois doigts chez la majorité des savants fait partie des comportements recommandés quand on mange. Et na'am, sur ça les Africains ils ont un grand mérite sur ça, car ils mangent avec leurs trois doigts, et ça c'est un bien qu'on leur reconnaît. Ce sont nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, même les autres ils mangent avec les trois doigts, mais les Africains ils ont bien conservé ça. Tayyib. Donc le prophète alayhi salatu wa salam mangeait avec ses trois doigts. Tayyib. Le deuxième hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Rappelez-vous pourquoi Anas ibn Malik nous a apporté beaucoup d'informations sur ça, sur la manière de manger, sur la description physique, sur pourquoi? Aywa. Parce qu'il était le servant du prophète alayhi salatu wasalam pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, il était avec lui, il a pu voir beaucoup de choses. C'est pourquoi il nous a rapporté toutes ces informations enrichissantes. Radiyallahu anhu. Anas ibn Malik قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. Il nous dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, après avoir mangé, suçait ses trois doigts. Il s'arrête là. الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث نفس الحديث بزيادة. قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. L'imam muslim rahimahullah a cité ce même hadith avec un rajout dans lequel le prophète alayhi salatu wasalam a dit, quand la cuillère de l'un d'entre vous, donc ça peut être l'uqma, ça peut être la cuillère ou bien ce qu'on a attrapé avec les doigts pour manger, la chose qu'on a attrapée pour manger. Il dit, quand cette chose-là tombe par terre, on doit la ramasser. et enlever de la saleté qu'il y a dessus, s'il y en a, et la manger, et on ne doit pas la laisser à Shaitan. On ne doit pas la laisser à Shaitan. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils arrivent dans un repas devant eux, s'ils voient un seul cheveu dans l'assiette, toute l'assiette part à la poubelle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allez, parce qu'il a vu un seul cheveu, il dit, avec une manière de parler un peu hautaine, parce qu'il a l'habitude de vivre dans le luxe, il dit, non, moi je n'ai pas l'habitude de manger ça, et il est hors de question que je mange un repas dans lequel j'ai vu un cheveu, ce repas m'a écœuré, ce repas ne m'attire plus, et bien d'autres choses et d'autres façons de parler encore. Une telle personne est loin, loin du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, si tu vois un cheveu, nettoie, enlève le cheveu et continue à manger. Dis bismillah et tu ne vas pas mourir. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu a pris un lézard et l'a mangé. Le prophète alayhi salam était avec lui. Il a pris le lézard et il l'a mangé. Et le prophète sallallahu je sais plus si c'est un lézard. Hein? Non, ça c'est autre chose. C'est un autre chose. Non, je parle d'une chose qu'il a mangée. Al-Muhim, je sais plus si c'est le lézard ou si une autre bête semblable qu'on a le droit de manger. Pourquoi je doute? Parce que je viens de me souvenir d'un hadith où on doit tuer les lézards. Ala kulli hal, il a pris une bête comme ça et l'a mangée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète ne l'a pas mangée. Parce que lui, il n'a pas été attiré par ça. Mais, voilà comment ils étaient. Ici, le prophète, alayhi salam, quand il finissait de manger, il léchait ses doigts 3 fois. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens qui voient des gens lécher leurs doigts disent qu'ils sont sales, ou disent qu'ils sont malpropres, ou qu'ils n'ont pas appris à manger convenablement ou correctement. Non. Ce sont eux qui n'ont pas appris à manger convenablement, et ce sont eux qui ne savent pas manger et qui ne connaissent pas le comportement le plus noble avec lequel fut envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, si on fait tomber de la nourriture, on doit la ramasser, on enlève ce qui est sale et on la mange. Ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas, inshallah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'as orienté vers ce comportement, ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Et ne fais pas attention à toutes ces statistiques ou ces bilans et toutes ces choses-là qui n'ont pas d'importance chez le musulman qui obéit à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis bismillah et mange et tu verras la baraka que tu y trouveras, insha'allahu ta'ala. Donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam léchait ses doigts après manger? Mais avant cette question, le prophète alayhi salatu wa sallam, Cheikh Abd al-Razak al-Abbad qui explique ce livre, donc son explication sur laquelle je m'appuie, que je suis d'ailleurs, car toutes ces paroles que vous entendez à chaque fois sont les paroles du Cheikh Abd al-Razak en réalité. D'accord? Et il dit que la raison pour laquelle, pardon, avant de rentrer dans la raison, il dit que il est bien de lécher ses doigts après manger, pas pendant le plat. Il dit car il se peut que pendant le plat, quand tu manges avec quelqu'un, tu lèches tes doigts et tu continues à manger, la personne qui mange avec toi peut être un peu écœurée de ta façon de faire. Par contre, après manger, il n'y a pas de problème. Parce que tu ne vas pas remettre tes doigts dans l'assiette avec laquelle dans laquelle tu manges avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il dit, la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam léchait ses doigts après manger, maintenant qui est-ce qui va me la donner? Pour ne laisser aucune miette. Ce n'est pas exactement ça. Pour pas laisser le shaitan, non? Pour la baraka. Barakallahu fik. Donc, pour la baraka, pour la bénédiction qu'Allah va mettre. Car on ne sait pas où, dans le repas que l'on mange, on ne sait pas où se trouve la baraka. En tout cas, il y en a. Où? On ne sait pas. Les frères et les sœurs, quand ils mangent parfois et qu'on voit dire « Viens manger la baraka à la fin du repas », ça c'est faux. La baraka n'est pas à la fin du repas. La baraka, elle est quelque part, on ne sait pas où elle est. Et c'est pourquoi on mange tout et même on lèche les doigts. C'est ça qu'on lèche les doigts. Car il se peut qu'il y ait une baraka dedans, dans les doigts qu'on va lécher. D'accord ? Donc ça, c'est la raison pour laquelle on doit faire cette sunna. Et aussi, on ne doit pas la laisser sale ou la laisser par terre, car le diable va la manger. Et on aura contribué à nourrir le diable. Wal'iyadu billah. Cheikh Abdelrazak al-Abbad dit, et au jour d'aujourd'hui, ici on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que quand on fait tomber de la nourriture par terre, on doit la ramasser, enlever l'impureté et la manger. À la base, cette nourriture a été salie et pourtant on la mange quand même à la fin. Au jour d'aujourd'hui, on mange sur des tables propres et parfois sur celles-ci, on pose des plastiques qui sont propres. Et il suffit que la nourriture tombe de l'assiette pour qu'on la délaisse et qu'on ne la mange plus. Alors que le prophète alayhissalam nous dit que quand on fait tomber une nourriture par terre, il se peut que cette nourriture soit salie, on la ramasse, nettoie et on la mange. Que dirait le prophète alayhissalam s'il voyait tous ces musulmans aujourd'hui faire cette chose-là, malheureusement? Donc, le musulman, il doit ramasser et manger. Il ne doit pas laisser à Shaitan. Il ne doit pas laisser à Shaitan sa nourriture. Donc, l'imam Muslim, rahimahullah, rapporte que Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهِنَّ الْبَرَكَةِ. Le prophète alayhissalam dit, lorsque l'un d'entre vous a mangé, quand il a terminé la prise de son repas, qu'il suce ses doigts, car il ne sait pas dans lequel de ses doigts se trouve la baraka. Il se peut que la baraka se trouve dans un de ses trois doigts avec lesquels il a mangé. Et dans un autre hadith, le prophète alayhissalam nous a même donné l'ordre de faire passer les doigts autour de l'assiette et de tout ramasser les restes et de les manger et les lécher de lécher les doigts sur lesquels il y a peut-être des résidus de nourriture que l'on vient de manger de cette assiette. C'est-à-dire de ne plus rien laisser. De ne plus rien laisser. Al-baraka, qu'est-ce que ça veut dire al-baraka fi ta'am? Qu'est-ce que ça veut dire al-baraka fi ta'am, la bénédiction dans la nourriture? Cheikh Abdelrazak al-Abbad hafizahullah a dit dans l'explication de ce hadith, il dit al-baraka fi ta'am tatanawalu umuran 'adida. La bénédiction dans le plat englobe beaucoup de choses. Parmi celles-ci, at-taghadhi, la nutrition, le fait que ce plat soit nutritif et nourrissant pour la personne. Voyez-vous des gens des fois qui mangent et qui pourtant ne sont pas rassasiés, ou qui sont rassasiés mais qui n'ont pas ressenti être bien nourris, car Allah n'a peut-être pas mis de la baraka dans ce plat, premièrement. Deuxièmement, as-salamatu min madarati ta'am. Allah préservera celui qui mange ce plat quand il a eu ces comportements-là. Il a dit bismillah avant de manger, il a mangé avec la main droite, avec ses doigts, il a léché ses doigts, il a dit alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla le préservera de toute maladie que l'on pourrait attraper avec ce plat-là. Et vous savez que la plupart des maladies physiques sont dues à la nourriture. La plupart. Eh bien, il fait partie de la baraka de la nourriture, justement, de lécher ses doigts et de dire bismillah et alhamdulillah, baraka avec laquelle Allah préservera cette personne qui a mangé cette nourriture de toute maladie qu'elle aura pu attraper avec celle-ci. Troisièmement, taqawwil badan ala ta'atillah. Le fait que cette nourriture va donner force à ce corps pour qu'il puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala et bien d'autres choses encore. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, معناه أن الطعام الذي يحضر فيه الإنسان فيه بركة. Cela veut dire que le plat que mange la personne a une bénédiction. Le plat du musulman. Il dit فيه بركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة على الأرض. L'imam Nawawi rahimahullah dit, il y a une baraka, une bénédiction dans ce qu'il a mangé, ou bien dans ce qu'il reste sur ses doigts, ou bien dans ce qu'il reste sur l'assiette, ou bien même dans le morceau de nourriture qui est tombé par terre. Dans tout ça, il peut y avoir la baraka. Et le musulman doit veiller à avoir ces comportements-là quand il mange. Plus loin encore que ça. L'imam Muslim rahimahullah a cité dans son recueil authentique de hadith, dans le chapitre concernant al-ashriba, kitab al-ashriba, les boissons et aussi la nourriture, il a cité plusieurs hadiths. Parmi les hadiths qu'il cite, celui dans lequel le prophète alayhi salam nous dit dans le sens du hadith, la yamsah yadahu hatta yal'aqa asabi'ahu aw yul'iqaha. يعني يلعقه هو أو يلعقها لغيره غيره يلعقه. الله أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام a dit qu'après manger ne n'essuyez pas vos mains si ce n'est après avoir léché vos doigts ou les avoir fait lécher. الله أكبر. C'est-à-dire soit tu les lèches toi ou bien tu les fais lécher à quelqu'un, c'est-à-dire à ton fils, à ton épouse. Cheikh Abdel Razak, bien sûr, quand il explique, il dit à condition que tu ne forces pas la personne à le faire. Cela se fait dans le cas où il y a une bonne relation d'amour entre les deux personnes et que les personnes aiment faire ça, qu'il n'y a pas de problème à faire ça entre eux. Eh bien, le prophète alayhi salam a montré que c'est une bonne chose de le faire. Par exemple, tu as fini de manger et tu manges avec ton fils ou ton bébé, tu mets ton doigt dans sa bouche, ou bien l'épouse qui fait ça avec son époux, ou l'époux qui fait avec son épouse, etc. Tant que personne n'est contraint à le faire et que il y a une bonne entente entre les personnes. Pourquoi? Pour la baraka. Car il se peut que la baraka qui reste dans ton doigt, quand tu vas mettre ce doigt-là dans la bouche de ton fils ou de ta fille, de ton petit enfant, peut-être qu'Allah Azza wa Jal va mettre dans ce doigt-là, Inch'Allah, une baraka. Donc, voilà à peu près ce que veut dire ce hadith. Et nous allons nous arrêter ici et reprendre samedi prochain après l'Asr, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah de faire que ces cours nous soient les plus bénéfiques possibles et qu'il nous facilite la mise en pratique de ce que l'on apprend, qu'il pardonne nos péchés. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.